sont ces gens-là ? Eux, ce sont des accusés. Tous des accusés. Alors ce sont des collègues à moi. Pourquoi sont-ils si humiliés ? J'ai déposé plusieurs requêtes. Et j'attends. Vous semblez vous donner beaucoup de peine. Bien sûr. Mon procès m'appartient. Tout le monde ne pense pas comme vous. Moi aussi, je suis accusé et je n'ai rien déposé du tout. Moi, je l'ai fait, moi. Donc vous ne croyez pas que je suis accusé ? Si. Non ! Vous ne me croyez pas ! Mais qui êtes-vous ? Je suis l'officier des renseignements du tribunal. Renseignements ? Je donne tous les renseignements dont ont besoin les accusés. Notre tribunal n'est pas très connu du public, et on nous demande beaucoup de renseignements. Je connais toutes les réponses à toutes les questions. Si vous en avez envie, vous pouvez un jour me mettre à l'épreuve. C'est mon privilège. Tout le monde pense que nous avons le cœur dur, nous, les fonctionnaires. En fait, nous avons envie d'aider les gens, mais personne ne nous croit. J'en souffre terriblement. Oh, maître, on va nous fouetter! Parce que tu t'es plaint de nous au juge d'instruction! Je lui ai raconté ce qui s'est passé chez moi. C'est tout, je n'ai jamais demandé que vous soyez puni. Ah, tu vois, Willem, je te l'ai dit, le monsieur n'a jamais demandé que nous soyons punis. Ne les écoute pas! La punition est juste et incontournable! Faites-moi le ménage de ce débarras! C'est plein de saleté là-dedans! Le procès de Franz Kafka, feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. Une réalisation de Michel Sidorov. Cinquième épisode, L'avocat. Avec Stéphane Valency, André Oumanski, Jean-Claude Durand, Audrey Meul. Joseph, qu'est-ce que j'ai entendu ? C'est l'oncle Karl. L'oncle de... Joseph. Joseph K. Dis-moi, tout ça, est-ce bien vrai ? Oncle Karl est un petit propriétaire terrien. K attend sa venue depuis un mois déjà. Le Panama dans une main, l'autre tendu vers K, l'oncle Karl fauche tout ce qu'il rencontre sur son passage. Alors, tu regardes par la fenêtre ? Mais réponds-moi, est-ce la vérité ? L'oncle Karl est le tuteur de K. À ce titre, il a des obligations. Dans ce cas précis, pour ce genre de choses, c'est-à-dire pour le procès, il doit aider K. Oui, c'est vrai. Vrai ? Mais comment ça ? Un procès ? Procès devant la justice ? Oui. Et tu es assis là, tranquillement, alors que tu as un procès sur le dos ? Si je reste calme, tout ira bien, oncle Karl. Joseph. Mon cher Joseph. Pense à toi. Pense à nous. Tu as toujours été l'honneur de la famille. Et maintenant, tu en deviens la honte. Je n'aime pas ton attitude. Un accusé innocent n'a pas une attitude pareille. C'est certainement une affaire d'escroquerie, de détournement quelconque avec la banque. Non, pas du tout. Mais ne crie pas aussi fort, oncle Karl. Il y a des gens qui nous écoutent. Où ça ? Ici, derrière les portes. Partout. Il vaut mieux partir du bureau. Très juste. Dépêche-toi ! Ce n'est pas un procès ordinaire devant un tribunal ordinaire. Que dis-tu ? C'est grave, très grave ! Comment ? J'ai dit c'est grave, très grave ! Si le procès est déjà engagé, c'est encore plus grave. Comment ça arrivait ? Ce genre de choses n'arrive pas d'un coup comme ça, il y a des signes avant. Je n'en sais rien. Il faut que tu viennes chez nous à la campagne. Ici, ils vont exercer de façon automatique leur pouvoir. À la campagne, ils seront obligés, pour faire avancer ton procès, d'utiliser le courrier, le télégramme, le téléphone. Et s'ils m'interdisent de partir ? Je ne crois pas. J'espérais que tu n'accorderais que peu d'importance à tout cela, oncle Karl. voilà que tu le prends plus mal que moi. Joseph, tu ne prends pas ce procès au sérieux. Veux-tu le perdre? Tu sais ce que ça veut dire de perdre un procès? T'es rayé de la carte. Et ta famille sera humiliée. Ressaisis-toi, Joseph. Ton indolence m'effraie. On ne gagne pas un procès en faisant preuve d'impatience. Et je n'irai pas à la campagne, comme tu viens de me le suggérer. Je vais me consacrer à mon procès ici. Hop! Taxi! Il faut réagir vite. Nous allons chez mon ami, l'avocat Huld. Il a une grande réputation en tant que défenseur des pauvres. Défenseur des pauvres. K n'est pas très content, comme accusé, de se rendre chez un avocat des pauvres. Je ne savais pas que pour un tel procès, on pouvait faire appel à un avocat. Mais pourquoi pas? Raconte-moi tout ce qui s'est passé jusque-là. La façon brusque dont l'oncle Karl se précipite sur son affaire le met mal à l'aise. Mais il lui raconte tout avec beaucoup de sincérité pour que son oncle puisse se faire une opinion plus juste de ce procès. Vous n'avez pas le droit de quitter votre chambre. Hans ne vous a pas informé. Vous êtes arrêté. Bien évidemment. Et pourquoi donc? Ce n'est pas de notre compétence de vous le dire. Restez dans votre chambre et attendez. La procédure est engagée, c'est tout. Vous êtes arrêté. Je vous l'ai dit. Et j'ai noté comment vous avez pris la nouvelle. Maintenant, on peut se quitter. Provisoirement. Vous pouvez aller travailler. À votre banque. À la banque? Mais je suis arrêté. Et puis? Attendez! Une remarque pour votre bien, Joseph K. Aujourd'hui, vous vous êtes privé de l'avantage précieux qu'un interrogatoire représente pour une personne en état d'arrestation. Bande de crapules! L'interrogatoire, je vous en fais cadeau! Mon Dieu, mon Dieu. Tu es foutu! À son grand étonnement, K découvre que le cabinet de l'avocat est dans la même banlieue que le tribunal. Mais l'oncle Karl ne trouve pas la coïncidence étonnante. Oui, non, je sais, 8 heures du soir, c'est tard pour une consultation. Mais l'avocat Huld est un ami de longue date, il ne m'en voudra pas. Ouvrez! Monsieur l'avocat est malade. Derrière le Judas de la porte, deux grands yeux noirs, qu'on croirait être tristes, mais peut-être cela n'est-il qu'une illusion due à la flamme du bec de gaz suspendu au-dessus des têtes des visiteurs. Mais ouvrez, nous sommes des amis de monsieur l'avocat. La prochaine fois, mademoiselle. C'est elle. Des yeux noirs. En tablier blanc, bougie à la main. Ouvrez plus vite. Allez, viens, Joseph. Monsieur l'avocat est malade. Encore son cœur? Je crains que oui. Dieu se bénisse. C'est ton vieil ami, Karl. Ah, Karl. Ça ne va pas? À ce point-là? Pire que jamais. Je respire mal. Je dors mal et je perds toutes mes forces. Oh. Tout est triste ici maintenant. Même cette petite mademoiselle n'a pas l'air gaie. Mais Lenny me soigne bien. Elle est très gentille avec moi. Lenny. Mademoiselle, s'il vous plaît, laissez-nous seuls. J'ai à parler confidentiellement avec Maître Huld. Tu peux tout dire devant Lenny. Monsieur l'avocat est très malade. Il ne peut pas parler d'affaires personnelles. Elle se penche sur le malade, lui caresse la main. Il ne s'agit pas de moi, mais de mon neveu, Joseph K., fondé de pouvoir. Joseph K. Le Joseph K. Étrange. Le malade a soudain l'air beaucoup plus vivant. Il s'appuie sur un coude et tire sans cesse sur les poils de sa barbe. Lenny, laisse-nous seuls un instant. Lenny proteste, mais l'avocat la rassure. Elle se penche et lui chuchote quelque chose à l'oreille. L'avocat rit. Lenny se retourne, regarde K, puis s'en va. La sorcière. Je parie qu'elle écoute aux portes. Tu n'as rien à craindre de Lenny. Maître, il s'agit d'une affaire tellement délicate. Oui, l'affaire de ton neveu, je serais content de m'y atteler. La tâche promet d'être rude. Il me faut retrouver toutes mes forces. Je ne vous comprends pas. Il s'agit bien de votre procès, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous savez de mon procès? Je suis avocat. Je fréquente le tribunal. On y parle des différents procès, surtout des affaires épineuses, comme la vôtre. Vous connaissez les gens du tribunal? Bien sûr. J'en retire pas mal d'avantages pour mes clients, mais il vaut mieux éviter d'en parler. Malgré ma maladie, les gens du tribunal me rendent visite et j'apprends par eux beaucoup de choses. Il y en a un en visite chez moi en ce moment. Maintenant? Où ça? Là. En effet, quelque chose commence à bouger dans la pénombre. L'oncle Karl déplace sa bougie et là, assis à une petite table, un très vieux monsieur qui a dû arrêter de respirer pour ne pas être remarqué. Il est visiblement mécontent qu'on attire l'attention sur lui maintenant. Monsieur le directeur du greffe, Joseph K., fondé de pouvoir. La visite de monsieur le directeur du greffe est un honneur. Monsieur est tellement débordé de travail. Je ne peux pas rester trop longtemps. Les affaires m'appellent, mais je suis heureux de faire la connaissance de ce monsieur, l'ami de mon ami. Le directeur du greffe serre la main de l'oncle Karl, mais ne tient pas compte de K. K a la forte impression de l'avoir déjà vu quelque part, peut-être lors de son premier interrogatoire. N'était-il pas dans les rangs tout à l'heure, ce vieux grincheux à la barbe blanche? Et vous, messieurs aux barbes blanches, c'est vous qui décidez de mon sort? Avez-vous quelque influence? C'est vous les fonctionnaires? Quel clique pourri! Vous êtes là pour écouter, pour espionner, et vous ne dites rien. Même l'humiliation du juge d'instruction tout à l'heure ne vous a pas sorti de votre coma. En tout cas, et de toute évidence, monsieur le directeur du greffe refuse de reconnaître l'accusé K. Un accusé existe-t-il si l'on refuse de le reconnaître? Mais qu'est-ce que c'est? Je vais voir. Attends, Joseph! Dans le vestibule, K cherche à s'orienter dans la pénombre. Une petite main se pose sur la sienne. Venez. Mais... Chut. Rien ne s'est passé. J'ai juste jeté une assiette contre la porte. Pourquoi? Pour vous faire sortir. Moi aussi, je brûlais de vous voir. C'est bien. Venez. Entrez. C'est le bureau de l'avocat. Asseyez-vous sur ce coffre. Les clients pauvres de l'avocat doivent se sentir opprimés dans cette pièce. K les imagine s'avancer à petits pas dans l'immensité du bureau. Je pensais que vous alliez sortir de votre propre gré. Pourquoi m'avoir fait attendre aussi longtemps? Premièrement, pour mon procès, j'ai dû écouter le bavardage des vieux. Deuxièmement, je suis assez timide et... Troisièmement? J'ai eu l'impression que vous ne vous laisseriez pas faire, comme ça du premier coup. Vous mentez. Je ne vous plais pas. Plaire? Le mot est faible. Dans l'obscurité de la pièce, K distingue le portrait d'un homme. Grand, beau, en robe de juge, assis sur un trône. Ce qui le frappe, c'est la pose inhabituelle. Il n'est pas assis calme et digne, mais agrippé aux accoudoirs, prêt à bondir sur un coup de colère pour prononcer la sentence ou même le verdict. Il faut s'imaginer l'accusé tremblant au pied de l'escalier où la dernière marche est couverte d'un tapis jaune. C'est peut-être mon juge, celui-là. Je le connais. En fait, il n'est pas du tout comme ça. Il est tout petit, moche, vaniteux comme tout le monde ici. Il ne vous plaira pas, comme moi je ne vous plais pas. Quel rang occupe-t-il ? Juge d'instruction. Encore ? Mais il est quand même assis sur un trône. C'est de la mise en scène. En réalité, il est assis sur une chaise de cuisine recouverte d'une vieille couverture pour chevaux. Et où donc se cachent les hauts fonctionnaires ? Vous ne pensez qu'à votre procès ? Pas du tout. Je n'y pense pas assez. On dit que vous êtes trop borné. Qui dit ça ? Peu importe qui. Ne me demandez pas de nom. Il faut que vous soyez plus souple. On ne peut pas se défendre contre le tribunal. On ne peut qu'avouer. Avouez donc. Vous semblez bien connaître le tribunal et son mode d'emploi. Vous pouvez m'aider alors ? Pourquoi Cage cherche-t-il toujours de l'aide auprès des femmes ? D'abord Mademoiselle Bürstner. Je vais être bientôt engagée dans un cabinet d'avocat. C'est formidable. Vous allez pouvoir m'aider pour ce procès. Il vaut mieux engager un avocat. Puis la femme de l'huissier. Où allez-vous ? Je vous aiderai. Vous voulez bien ? Vous pouvez le faire sans courir les mêmes risques. Vous me disiez tout à l'heure que votre mari dépend du tribunal. Je le ferai quand même. Et maintenant, cette petite infirmière qui lui semble plutôt très favorable. Qu'a l'habitude de penser, les femmes sont des pièges qui cernent l'homme de tous côtés pour l'acculer dans le domaine exclusif de la mort. Et pourtant, le voilà cherchant la puissance féminine pour le sortir de son impasse. Et si je n'avoue pas, vous m'aiderez tout de même ? Non, dans ce cas-là, je ne peux pas vous aider. D'ailleurs, vous ne voulez pas de mon aide. Je ne vous intéresse pas. Je parie même que vous avez une fiancée. Mais non. Mais si, j'en suis sûre. Vous avez une photo d'elle ? C'est une photo d'Elsa, celle qui travaille dans un bar, assise sur les genoux de K, comme Lenny en ce moment. La photo a été prise après une danse excitante dans un café la nuit. Les mains sur ses amples hanches, le cou tendu, la tête tournée, riant. Je ne l'aime pas, votre bien-aimée. Regardez comme elle est moche, grossière, lardée dans son corset. Une grosse fille comme ça peut être bien gentillette, mais serait-elle prête à se sacrifier pour vous ? Non. Elle n'est ni charmante ni agréable et elle ne se sacrifierait pas pour moi. Alors, elle ne vous manquerait pas si vous la perdiez. Dans ce cas, il vous faut l'échanger contre quelqu'un d'autre, comme moi. Comme vous. Mais elle a un avantage sur vous. Elle ne sait rien de mon procès. Et ne me conseillerait pas d'avouer, comme vous. Peut-être. Mais elle n'a pas l'avantage d'avoir un défaut physique. Défaut physique. Regardez. Lenny lui tend la main droite, en écartant le majeur et l'annulaire. Tiens. Il y a de la peau entre vos deux doigts. Jusqu'à la phalange supérieure. Comme une toile d'araignée, n'est-ce pas ? Quel joli caprice de la nature. Oh. Tiens, les clés de la maison. Viens quand tu veux. Comment ça? Tu m'as échangé. Maintenant, tu es à moi. Joseph! Comment peux-tu te vautrer avec cette petite saleté qui n'est rien d'autre que la salope de l'avocat? Tu te caches et tu restes des heures sans revenir. Tu as bien porté préjudice à ton affaire. Alors que nous, nous travaillons pour toi, assis ensemble. Moi, l'oncle qui se donne tant de peine pour toi. Ton avocat que tu dois gagner à ta cause. Et surtout, surtout, monsieur le directeur du crêpe, un grand monsieur, qui est l'élément clé pour ton procès à ce stade. L'avocat était prêt à tout pour toi. J'ai dû le traiter avec prudence. Et lui, à son tour, doit traiter le directeur du crêpe avec prudence. Nous sommes tous restés assis pour voir si tu revenais. Puis le directeur du greffe s'est levé et il a pris congé. Tu as tout gâché. Tu as aggravé la maladie de l'avocat Huld. Il ne pouvait plus parler. Tu vas probablement provoquer sa mort. Et moi, ton oncle, tu me laisses attendre sous la pluie, rongé par les soucis. Quel gâchis! Tu entends? Joseph! Sa vie est complètement rabougrie, rétrécie. Il ne peut pas se permettre d'être fatigué ainsi. Pense, l'image de mon existence est bien rendue par celle d'un piquet inutile couvert de neige, planté de travers dans le sol gelé d'un champ retourné, à peine visible, à la lisière d'une grande plaine vue par une sombre nuit d'hiver. C'est grave, il a encore un long chemin à faire, tout seul. C'était Le procès de Franz Kafka. Feuilleton en 10 épisodes. Traduction et adaptation radiophonique, David Zain Meyrowitz. 5e épisode, L'avocat. Avec Stéphane Valency, K. André Oumanski, l'oncle Karl. Jean-Claude Durand, l'avocat Huld. Audrey Meul, Lenny. Wolfgang Pissors, le directeur du greffe. Bruitage, Bertrand Amiel. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Bernard Lagniel, Emmanuel Armingue. Assistant, Guy Peramore. Réalisation, Michel Sidoroff.